Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de remonter le temps aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 26 avril de quelle année ? De l'année 1937, Raphaël. Bien triste date puisque c'est celle du bombardement de Guernica par l'aviation allemande. Nous sommes au Pays Basque espagnol, en pleine guerre civile, dans la petite ville de Guernica. Je dis petite, c'est 7000 habitants. Hein. C'est le jour du marché. Or, à 4h30 de l'après-midi, on entend vrombir des moteurs d'avion. C'est la Légion Condor, force aérienne d'intervention envoyée par Hitler pour soutenir Franco. Trois longues heures durant, Guernica est pilonnée. Les 33 appareils lâchent des bombes explosives, des bombes incendiaires, avant de finir le travail à la mitrailleuse. Près d'un quart de la ville est en feu, l'incendie progresse. Au total, les deux tiers des maisons seront ravagées et que dire des morts, hein, un millier plus ou moins. Mais pourquoi est-ce que les avions allemands s'attaquent à cette ville plus qu'à une autre ? Eh bien peut-être pour le symbole. Guernica, c'est la capitale spirituelle du Pays Basque. Vous savez, c'est dans cette ville sacrée que les seigneurs de Biscaye venaient prêter serment autour du fameux arbre de Guernica. Alors, tout le monde a évidemment entendu parler de Guernica. Franck, pourquoi retient-on ce bombardement plus qu'un autre ? Pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre des victimes, l'horreur de cette agression, hein, d'un objectif civil sans aucune défense. Guernica n'est pas un centre industriel, c'est pas un arsenal. On l'a bombardé uniquement pour semer la terreur. C'est ce qui sans doute a tant choqué. Et puis bien sûr, évidemment, il y a le rôle déterminant des artistes. La grande toile de Picasso est devenue mondialement célèbre. Il y a aussi le poème de Paul Éluard, La victoire de Guernica. Les horreurs, comme vous le savez, ne s'arrêteront pas là puisque la Seconde Guerre mondiale approche. Et la méthode Guernica va être reprise, amplifiée notamment par les terribles Stuka qui bombardent en piqué. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour évoquer avec Christophe Bourseiller toute une pléiade de faux messies. Et on vous retrouve aussi en podcast, bien sûr, pour les retardataires sur Europe 1.fr.